Il y a des endroits où l'on se sent vraiment chez soi. Un lieu où ta famille en harmonie, ses odeurs qui nous rappellent des années passées. Et si belles et claires nos souvenirs tiennent à peu de choses, à vrai dire, avec la simplicité, rien ne peut s'effacer. Ceux qui cherchent pertinemment à se rappeler, il n'y aura pas grand chose qu'ils pourront oublier. Je me souviens quand on était minot, on a joué à des jeux à en paraître idiot. Parfois, je ne trouve plus mes mots pour décrire tellement c'était beau. Quand on est gamin, pas grand chose nous atteint, tant et si bien que les soucis nous ont souri. On s'appelle, on se rappelle, mes souvenirs ne sont pas éternels. D'aussi loin que je me souvienne, pas un seul souvenir ne m'a fait de la peine. Tu m'étonnes, on se rappelle que les bonnes choses, le négatif, on l'emploie à petite dose. Et pour cause, on préfère un sourire à un air morose. Écoute ça. On a tous connu ces voyages en direction du bled. Un sentiment de renaissance sans emmerde. La voiture blindée comme si l'on s'exportait. Nous dessine des paysages qu'on ne peut s'imaginer. À l'arrivée, la famille est pleine de gaieté. On se serre dans les bras, on se laisse aller. Pour moi, juste un souvenir comme ça, ça me suffit à être pleine de joie. Et il y en a des centaines comme ça que je peux raconter mille fois. Mais les plus intéressants sont ceux de la naissance de mes enfants. Ouais mon gars, pour rien au monde j'oublierai cet instant. Et tu sais ça, pour rien au monde j'oublierai cet instant. Il y a trop de flashbacks en permanence dans ma tête. Me matraque, contracte désespérément. Un moment oublié avec le temps, on s'obstine et pourtant il n'y a pas de quoi mon grand. Je me souviens quand on était minot, on se voyait déjà au volant d'une Merco. Mais comme tu vois la mer, on l'a eu dans le dos à grands coups de couteau. Ouais gazier à grands coups de couteau. Souvenir, souvenir, quand tu nous tiens, tu nous emmènes toujours trop loin, c'est sûr. Tu nous prends pas par la main, mais on adore être bien. Et pour le reste, on verra demain. On s'échappe facilement avec des images qui défilent dans le tube conscient. Un souvenir n'a pas de limite dans le temps. Pas besoin d'avoir une mémoire d'éléphant. On se souvient seulement de ce qu'on veut bien. Parfois, bien qu'on le veuille, on n'en fait pas le deuil. Spécial dédicace à la famille du bled qui a fait que mes vacances ont toujours été comme un club med. Une pensée sincère à tous les incous de Casa, City Moment et Mahmadia. C'est pas les kilomètres qui vous séparent qui me feront oublier vos regards. Spécial dédicace à vous. Ouais, la MIFA. Là, elle est là. C'est clair, je pense à vous tout le temps, c'est clair.